Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Bonne fête les Irlandais. Bonne fête. La porte tournante. Avec Trump, ça prend une autre tournure, hein? Ah! Il n'y a pas de permanence dans l'entourage de Trump. La seule constante, c'est le bordel. C'est le chaos. On voyait des articles circuler montrant une photo de l'équipe rapprochée de Trump une semaine après l'élection. On voyait dessus Reince Priebus, Steve Bannon, Sean Spicer, Michael Flynn, lui, ça n'a même pas duré un mois, et la nouille de vice-président Mike Pence. Il y en a quatre qui sont plus là. Les quatre conseillers, out. Démission, congédiement, ça n'a pas duré plus que quelques mois, finalement. Et récemment, il y a eu son secrétaire du personnel, Rob Porter, la directrice des communications, Hope Hicks, le conseiller principal du président sur l'économie, Gary Cohn, d'ailleurs, aux communications, ça, hein, vous avez vu ça, ça a bougé beaucoup. Son chief of staff, John Kelly, qui se demandait ouvertement ce qu'il avait fait de mal pour se ramasser là avec Trump, il a dit « Je voulais pas quitter la sécurité intérieure, mais j'ai été puni. » Et là, dernier en lice, le secrétaire d'État Rex Tillerson. Il y en a d'autres, en plus, on en parle. On parle de sécurité intérieure, qui est aussi... Non, sécurité nationale, en fait, qui est aussi sur la sellette. Alors, celui qui aurait traité, d'ailleurs, Trump de moron, le Rex Tillerson, s'attirant, du coup, un respect de ma part que j'aurais jamais pensé lui accorder. Lui, Mr. Pétrole, Mr. J'écrase tout, je fais des deals avec Poutine, là, mais bon, il est parti. Trump l'a congédié, d'ailleurs, sur Twitter. Il l'a pas appelé, là, il l'a tweeté. Un tweet qui tweet, c'est assez cohérent en même temps. Et ça témoigne de son incapacité à avoir des relations humaines normales. C'est le bordel, mais lui, il fait semblant que c'est correct. C'est normal. C'est ce qu'il veut. Il y a des stats qui sont sortis, d'ailleurs, concernant le taux de roulement chez les proches conseillers du président. Ça concerne une soixantaine de personnes. Et en temps normal, ça va tourner autour de 6 à 11 % Clinton, c'était 11 % de roulement. Bush, 6 % Obama, 9 % Trump, 43. 43 % Presque la moitié du staff est parti. A sacré le camp, a été viré ou a été déplacé vers un autre ministère. Et ça ne ralentit pas la tendance, là. Non, non, au contraire, ça va continuer comme ça. C'est hallucinant. C'est du jamais vu. C'est l'instabilité la plus complète. Et là, vous vous dites, ouais, bon, puis so what, là? OK, c'est correct, mais c'est pas chez nous. Ben, tu sais, l'ennui, c'est que le monde entier, le Canada au premier chef, est en affaire avec les Américains. Le Canada est en train de renégocier l'ALENA. Il se tape les projets improvisés de taxes à l'exportation. Oh, plus de taxes à l'exportation. Oh, ben, si vous êtes fin. Ce roulement-là, dans l'entourage de Trump, c'est une illustration de son instabilité, du fait que sa gestion, si on peut appeler ça ainsi, est calquée sur son humeur, dans le fond. Hein? Humeur qui est pour le moins brouillonne, instable, impulsive, explosive et incohérente. Maintenant, ben, qui sera là pour essayer de modérer la mandarine? Hein? Qui? On dit que Tillerson, justement, arrivait modestement à faire ça. Pareil pour certains autres conseillers plus mesurés. Et là, c'est les radicaux qui prennent toute la place. Un fan du mur le long du Mexique, un fan des armes à feu, un autre qui prône la ligne dure contre la Corée. Ça, c'est Mike Pompeo, qui est son nouveau secrétaire d'État, qui est, dit-on, plus belliqueux que diplomate. Et il rêve de flusher l'accord sur le nucléaire iranien parce que, tu sais, c'est mauvais, ça a été fait sous Obama. Pompeo, c'était le boss de la CIA. Donc, quand tu nommes comme ministre des Relations extérieures le boss des espions, ça en dit long sur la façon que tu entrevois la diplomatie mondiale. Pour remplacer Gary Cohn comme conseiller économique, Trump a choisi Larry Kudlow. Lui, c'est un analyste de Wall Street, une vedette de la télé. Ça vous rappelle rien, ça? C'est Trump qui disait qu'il se débarrasserait de Wall Street, puis qu'il choisit un gars de la télé en plus. Ben oui. Bon, au moins, Kudlow, c'est un pro-ALENA, dit-on, et anti-tarif. Ça va réjouir du monde. Il s'est moqué de Justin. C'est pas forcément un défaut, mais c'était pour dire que c'est un gauchiste. Donc, il faut comprendre que Kodlow, c'est la droite, la finance, le désengagement de l'État, le laisser-aller économique, la main visible. Donc, des crises probablement à prévoir, justement, à Wall Street. Bref, on n'a pas fini d'avoir des crises, des soubresauts, du chaos, ou pire encore. Et pendant ce temps-là, un prof qui tire des coups de feu par erreur en pleine classe en voulant montrer comment désarmer quelqu'un à ses étudiants. Ça promet. Mince lueur, la victoire démocrate dans un coin républicain qui avait été remporté facilement par Trump par plus de 20% la dernière fois, ça vient de changer de camp. Ça vire bleu, c'est la faute à Trump. Ah, mais ici, ça va mieux. Le Parti conservateur ontarien vient de se doter d'un nouveau chef, Doug Ford, le frère de l'autre, le crackpot. Doug Ford est moins fou un peu que son frère, mais quand même, un discours à la Trump anti-élite, un populiste à grande gueule qui se lance sans avoir vérifié les infos, bourré de préjugés, qui aime pas les critiques comme Trump, un anti-avortement, anti-cours d'éducation sexuelle, anti-environnement, tu sais, un chic type. Confier votre pays à un clown. Et après ça, faudra pas s'étonner que ça devienne un cirque. Bienvenue à Econophil. Vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, sur le blog, on est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, de façon, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook, ou encore, il y a econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net, c'est pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouvez aussi la balado, vous voyez, qui donne accès aux deux ou parfois trois émissions, ça dépend, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section émissions. Claude Cloutier, bonjour. Oui, bonjour, David Lemelin. Je suis un peu en forme, finalement. Trump t'inspire toujours beaucoup. Toujours. C'est vraiment une source inépuisable. Bonne fête des Irlandais. Écoute, Jean-Claude, ce sujet cette semaine, d'ailleurs, ouais, c'est vrai, il faut que je dise ça. Du coup, on se retrouve, l'équipe est doublée tout d'un coup, puisque tu es là. Je suis bien heureux, mais on est encore en désavantage numérique. Quand Eric va revenir, on va être au complet. Il est à Paris, le malheureux. Ben oui, c'est ça. Écoute, il a choisi Paris au lieu d'être ici. Je lui en veux beaucoup. Jean-Claude, cette semaine, les enjeux démographiques. C'est extrêmement riche et intéressant. Oui, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse depuis longtemps, puis ça m'étonne toujours de voir comment, chez les économistes, en tout cas en général, il me semble que ça n'a pas l'importance que ça devrait avoir, même si, bien sûr, on parle toujours de pénurie de main-d'œuvre, puis d'enjeux du vieillissement de la population sur les finances publiques, sur les frais de santé, sur les caisses de retraite. On en parle, bien sûr, mais il me semble que la démographie a des impacts beaucoup plus diversifié que ça sur à peu près toutes les dimensions de l'économie. Et très concret d'ailleurs, on va en parler au cours des prochaines minutes. Et puis, question de la semaine, Jean-Claude? Oui, c'est un peu un lien avec la nouvelle parue il y a peut-être une dizaine de jours maintenant sur qui était l'homme le plus riche de la planète, Monsieur Bezos d'Amazon, le fondateur d'Amazon. La question serait dans quel pays la distribution de la richesse est-elle le plus inégalitaire? On s'en doute un petit peu, mais on va quand même garder le punch pour la fin. Très bien. Alors, réponse en fin d'émission. Tout de suite, Jean-Claude, si tu le veux bien. Démographie, on va placer un peu le concept, effectivement, parce que ça mérite qu'on en parle et qu'on fasse le tour. Quelque chose d'important. Oui, on parle de la population, mais encore. Bien, c'est-à-dire, il y a quelques dimensions importantes. Il y a la population, mais aussi la répartition de la population entre les jeunes, les populations actives, disons en gros entre 20 et 65 ans, mais c'est très variable, effectivement, et les 65 ans et plus ou les 70 ans et plus, peu importe. Mais enfin, la répartition d'une population des différents groupes d'âge. Puis, je mentionnais d'entrée de jeu qu'on ne s'intéresse pas assez à la démographie depuis Malthus, parce que Malthus y était intéressé, lui, il y a maintenant 200 ans, ou même plus de 200 ans. Fin du 18e, effectivement. Puis c'est un, enfin, Malthus est un des premiers économistes reconnus là, avec Adam Smith, mais on a plus reconnu les leçons de Smith que celles de Malthus. Et curieusement, Malthus, lui, dans le fond, ce qui le préoccupait beaucoup, c'est qu'il trouvait que la population croissait trop vite, alors qu'aujourd'hui, souvent, on se préoccupe parce qu'on trouve que la population ne croît pas assez vite. C'est-à-dire qu'on, dans les pays développés, là, on craint qu'il y a une pénurie, des pénuries de main-d'œuvre dont on parlait tantôt, et on craint surtout le ralentissement, dans le fond, de la population active, des gens en mesure de travailler. Donc, à 200 ans d'intervalle, on se préoccupe encore de la démographie, même si entre les deux épisodes, on s'en est peut-être désintéressé, mais pour des raisons un petit peu différentes. Quoique Harvey Mead l'a abordé la semaine passée, dans des termes un peu semblables à ceux de Malthus, à savoir que c'est peut-être pas si préoccupant ça que la population soit stationnaire ou en tout cas ralentisse au plan mondial, parce que la population, ça a un impact, une empreinte écologique énorme. Plus qu'il y a de monde, dans le fond, plus qu'on consomme de ressources et d'énergie. Et c'est intéressant aussi parce qu'on constate bien que le problème de population n'est pas pareil dépendamment. Bon, on parlait de Malthus tantôt. Certes, il dit si la population croît trop, les ressources ne peuvent pas suivre. Donc, on comprend ce problème-là, mais on peut le voir peut-être davantage du côté des pays en développement, parce qu'ici, on a un problème où on dit, il nous manque du monde. C'est pas ce qu'on sent ailleurs. Donc, il y a les problématiques sont pas les mêmes, d'où la complexification de l'enjeu. Bien oui, les problématiques sont très différentes. Puis moi, oui, tu as raison, en termes de nombre, là, en termes de besoin de main-d'œuvre ou de disponibilité de main-d'œuvre, les problèmes varient beaucoup d'une région à l'autre, d'une région du monde à l'autre. Mais en termes d'espérance de vie aussi, en termes d'âge de population, devrais-je dire, ouais. De façon caricaturale, si on simplifie un peu, là, les pays en développement, comme les pays d'Afrique notamment, la population est beaucoup plus jeune que dans les pays développés, les pays occidentaux. Je vais donner, par exemple, une statistique, là, l'âge moyen au Québec, là, en 2011, était de 41 ans, 40,9 plus précisément. En 2036, ça va être 45,2. Donc, tu vois, le Québec est représentatif des pays occidentaux. Je pense qu'on est même un peu au-dessus de la moyenne des pays occidentaux. Mais tu vois, en l'espace d'une vingtaine d'années, là, on va augmenter de 5 ans l'âge moyen. C'est-à-dire que toi, tu vas rester un petit peu au-dessus de l'âge moyen. Je suis assez moyen. Là, j'arrive aux 45 dans pas long. Oui, c'est ça. Puis, en termes de quantité, aussi en termes de nombre, je pense qu'on peut peut-être donner quelques chiffres, là, ça pourrait être intéressant pour montrer comment ça évolue. La population du Québec en 2016, dans le dernier recensement, c'est 8,4 millions. On va monter à 9,4 millions en 2036. Donc, il y a une augmentation là, qui est quand même 1 million de plus de Québécois d'ici une vingtaine d'années. C'est pas tant que ça, parce que le taux de croissance, là, aujourd'hui, en 2016, là, mais ça n'a pas dû changer beaucoup depuis un an, depuis 15 mois. Le taux de croissance par 1 000 de population, là, on augmentait de 8 personnes par 1 000 de population en 2016. Mais c'est pas si mal, mais l'Ontario, c'est presque deux fois plus, c'est 15,5. Donc, on voit un impact en termes de la capacité de production de l'économie, puis en termes du poids politique également. L'Ontario est déjà plus populeuse que le Québec, et quoi plus rapidement. Le Canada, c'est 12,6 en moyenne. Donc, encore là, beaucoup supérieur au Québec, avec son 8,2. Par contre, ce qui m'a un peu surpris, c'est que les États-Unis, c'est à 6,9. Donc, présentement, la population du Québec croît plus rapidement que la population américaine. Mais eux sont quand même 323 millions présentement. C'est pas mal plus que nos 8 millions. La Chine est à 5,9. Donc, la Chine croît moins vite que le Québec. Ça veut dire qu'on va les rattraper. D'ici quelques millénaires, probablement, on va avoir la même population que la Chine. J'en doute un peu. Si ça change pas. Mais écoute, avec les politiques de natalité aussi, il faut quand même le dire, là, je présume que ça a un impact parce qu'on dit on va les limiter à un enfant par couple. Puis ouais. Si bien qu'on entend le discours inverse à ce propos-là. Ils ont changé depuis quelques années. Ils ont inversé en disant, parce que le problème qu'on a, c'est qu'après ça, les jeunes vont se ramasser plus vieux avec des aînés à s'occuper beaucoup, trop nombreux. Il n'y aura pas assez de monde pour... Oui, mais la Chine, je pense, en termes de pouvoir politique aussi, parce qu'ils sentent la poussée, en tout cas la montée de l'Inde là, qui est sur le point de les dépasser en termes de population. Donc, peut-être que cette volonté de garder est au sommet de la démographie mondiale, finalement. Je voudrais quand même ajouter un dernier chiffre, parce qu'on va peut-être y revenir plus tard. Parmi les taux de croissance de la population, le Japon, lui, est à moins 1,7. Donc, la population du Japon est en déclin depuis déjà plusieurs années. On reviendra peut-être un peu plus tard quand on évaluera les conséquences d'un ralentissement ou d'une stabilité de la population. Et nous, en fait, au Québec, de la statistiques, on disait qu'on aurait le 10 millions autour de 2060. C'est ça que je vois. Le 10 millions, c'est plus loin. Hein. C'est un money. Oui, ben ça, je ne suis pas encore là. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Oui, exactement. Ce sont des projections. Peut-être, oui, le taux de croissance du Québec est quand même dépend beaucoup présentement, ça, depuis une quinzaine d'années, beaucoup de l'immigration. On n'est pas les champions au Canada de l'immigration, mais on sait que c'est un débat au Québec. On sait qu'on se demande combien d'immigrants on devrait accueillir. Mais il reste que la population du Québec, depuis une quinzaine d'années, son accroissement, qui est quand même dans la moyenne, là, il y en a qui des plus rapides, d'autres plus longs que nous, mais ça dépend beaucoup de l'immigration présentement. Donc, on fait une petite pause là-dessus, si tu le permets, puis au retour, on va vous dire c'est quoi le problème avec tout ça maintenant. Alors, allons-y, Jean-Claude, on va aborder un petit peu maintenant, définir le problème. On a commencé à tracer les pistes un peu tranquillement tantôt. Problème avec ce dossier-là de démographie, il est multiple. Il y a des inconvénients, il y a des bénéfices, il y a toutes sortes de choses à dire là-dessus. Bien, c'est ça. Moi, je préférais le positionner plus en termes de questions. Est-ce qu'il y a un problème? Ouais. Puis je pense, oui, mais tu l'as quand même bien dit. C'est-à-dire que dépendant de l'angle sur lequel on regarde ça, du regard qu'on pose, dépendant de quelle variable qui est en cause, ça peut être un problème, ça peut être aussi un bénéfice. Je vais donner juste un exemple, puis peut-être faire référence justement au Japon. C'est-à-dire que quand ta main-d'œuvre baisse, en fait, parce qu'elle ne croit plus ou qu'elle baisse même, puis c'est le cas du Québec, j'aurais pu le mentionner, la population active du Québec, depuis, elle a atteint le maximum, je pense en 2014 ou 2015. Puis là, on est en déclin, là, pas un déclin radical, mais le nombre de personnes qui sont sur le marché du travail, qui sont dans la force de l'âge, est en déclin au Québec. Mais le Japon a connu ça depuis peut-être deux ou trois décennies. Mm. Puis ce que ça force, dans le fond, ça force une augmentation de la productivité, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est obligé, quand on ne réussit pas à trouver de la main-d'œuvre requise en nombre suffisant, bien, on met en place des machines, en fait des robots dans certains cas. Fait qu'on a déjà discuté de ce sujet-là ici. Ça peut avoir des bénéfices aussi. Là, le robot a ses avantages et ses inconvénients lui aussi. Ça peut avoir aussi un effet pour la main-d'œuvre de faire monter les prix, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être du monde qui présentement se met en retrait du marché du travail pour des raisons quelconques. Ils veulent pas être sur le marché du travail, mais si tu augmentes les salaires, bien, tu vas inciter ces gens-là à se présenter sur le marché du travail. Donc, moi, je pense que c'est des aspects, en tout cas pour la main-d'œuvre, pour la population, c'est des aspects bénéfiques. Et je pense qu'il ne faut pas dramatiser trop là, la stabilité de la population active. Il y a des solutions qui existent. Bien, l'autre solution, évidemment, c'est l'immigration. On en a parlé, tout le monde en parle. Ça peut être également une solution, en tout cas pour certains types de besoins en termes de marché du travail. Tout le monde en parle. Tu veux que je fasse ma voix de Guilla, là? Oh, oui. Je vais lire un extrait, justement, qui appuie ce que tu viens de dire depuis tantôt, à savoir les géants asiatiques grisonnent rapidement, donc on le dit depuis tantôt, l'Asie caracole sur le plan économique, mais le vieillissement de la population menace la croissance de certains pays qui manquent déjà de main-d'œuvre. Donc, pénurie de main-d'œuvre oblige, les constructeurs nippons ont de plus en plus recours à des robots, des drones et des équipements automatisés pour les tâches manuelles. C'est un autre indice d'un problème bien connu qui s'aggrave au pays du soleil levant, le vieillissement. En manque de bras, les entrepreneurs se tournent alors vers les nouvelles technologies pour mener à terme leurs projets. Camion Ben sans homme, bulldozer avec GPS sur les chantiers, homme-robot pour transporter des objets lourds, etc. Dans l'ensemble des industries à Tokyo, le ministère du Travail confirmait la semaine dernière qu'il y a actuellement 2 postes à pourvoir pour chaque candidature reçue. Encore une fois, un manque de travailleurs. D'où l'augmentation du salaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu disais, écoute, je ne suis pas capable d'avoir du monde. Tu as d'autres semaines de monter le salaire. C'est ça, exactement. Ben, je continuerai peut-être un petit peu sur ma lancée de tantôt pour dire que, dans le fond, ça pourrait avoir fait pour effet de, ça pourrait avoir pour effet d'augmenter la productivité, justement, parce que la définition, on a critiqué un peu ces définitions-là il y a quelques émissions, mais parce que c'est un rapport là, entre ce que tu produis et le nombre de personnes que tu engages pour la production en question. Ça a pour un effet mécanique, finalement, la baisse de la main-d'œuvre, d'augmenter la productivité, parce qu'on fait la même production peut-être avec des machines plutôt qu'avec de la main-d'œuvre. Puis l'autre aspect que j'ai vu dans certains articles, c'est qu'on s'est rendu compte, les études en gestion se sont rendues compte que quand, au sein d'équipes multidisciplinaires, quand tu as des travailleurs, appelons ça par euphémisme, les seniors, comme on dit dans le langage anglophone, les gens d'un certain âge, bien, ça augmente la productivité de tout le monde. Ça augmente la productivité de l'équipe de travail, puis des plus jeunes. Évidemment, c'est le facteur expérience, probablement. Les seniors ont déjà vu neiger, puis ils savent qu'il y a des pistes, dans le fond, qui mènent nulle part. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Je pense qu'on est porté sur la place publique. Les politiciens puis les milieux d'affaires sont portés à dramatiser le plafonnement de la démographie, en fait, la stagnation de la croissance démographique, le vieillissement de la population. Ils sont portés un peu à dramatiser ça. Ça a des effets, c'est sûr, mais je pense que les effets sont peut-être pas toujours aussi dramatiques qu'on veut bien nous le faire croire. Mais si on met quand même l'accent sur les effets qu'on anticipe ou desquels on se méfie, bien sûr, on dit, bon, ben ça va prendre des bras pour travailler d'une part, ça va prendre des gens aussi pour, bon, effet sur fonds de pension, sur la dette, etc. Il y a différents aspects où on sait qu'il y a un impact et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la démographie. Oui, oui, tout à fait. Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup souligné l'impact sur les caisses de retraite parce qu'on voit venir ça à brève échéance. Mais encore là, tout dépend un peu des systèmes parce qu'au Québec, au Canada, en général, les fonds de retraite sont capitalisés. Puis grâce au bon travail des actuaires, on se dit, bien là, si on veut être capable de payer des pensions en 2020, en 2030, en 2040, bien, il faut faire les bons taux de cotisation présentement. Le problème qu'ils ont eu, les fonds de retraite, au cours des dernières années, puis c'est encore le cas, c'est que les taux de rendement, l'intérêt sur les placements n'était pas toujours aussi élevé qu'ils auraient souhaité. Mais ça va peut-être changer justement à cause du vieillissement de la population parce que les seniors, en fait, les retraités, progressivement vont commencer à retirer ce qu'ils avaient placé comme épargne. Donc, ça va créer une espèce de... une incitation à augmenter les taux d'intérêt pour pas qu'ils retirent trop vite puis pour que les nouvelles générations fassent des placements. Donc, en économique, c'est souvent le cas. Il y a souvent des phénomènes de compensation. Il y a quelque chose qui se produit qui pourrait produire un effet négatif, mais il y a toujours un phénomène de compensation grâce souvent au mécanisme des prix, finalement, qui crée des incitations à corriger la situation en question. Mais ça change le marché du travail, entre autres. On dit possiblement qu'on va travailler plus tard, la retraite va être plus tard, oui. On va être obligé de ça change les choses, là, quand même, concrètement. Bien, c'est-à-dire les milieux d'affaires puis les gouvernements apportent souvent ça comme possibilité de solution, c'est-à-dire on va rehausser l'âge de la retraite. M. Trudeau, gouvernement fédéral, a dû retraiter, c'est le cas de le dire, un peu là-dessus dernièrement, mais tôt ou tard, probablement que ça va revenir, là, l'idée de prolonger l'âge de la population active. D'ailleurs, j'ai mis la main sur des données là-dessus présentement. C'est que l'âge officiel de la retraite, à peu près partout dans le monde, ça tourne autour de 65 ans, mais en pratique, l'âge effectif varie beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en France, on prend notre retraite beaucoup plus tôt, mais dans la jeune cinquantaine, par exemple, ça pose des problèmes à M. Macron présentement. Mais dans des pays comme la Corée ou le Mexique, là, on travaille jusqu'à 75 ans et plus. Toutes sortes de raisons, là, pas toujours des bonnes raisons, mais il reste que il y a des possibilités de ce côté-là. Une autre donnée, moi, que j'ai trouvée intéressante, puis qui encore là incite à ne pas dramatiser à outrance, c'est que, en tout cas, c'est des données américaines, là, mais c'est sûrement vrai pour le Canada puis d'autres pays, c'est qu'on s'est rendu compte que même à 85 ans et plus, il y avait 60 % de la population qui était encore en mesure de faire du travail contre rémunération, puis faire du travail domestique, c'est-à-dire s'occuper de l'entretien de la maison à 85 ans et plus. Puis qu'à 80 ans et plus, t'en as encore plus. Puis, bref, autrement dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui, même avant 65 ans, deviennent incapables de travailler pour toutes sortes de raisons. Mais il faut pas présumer que c'est parce que t'atteins l'âge officiel de la retraite que tu peux plus avoir une contribution à la société. Donc, c'est des facteurs qui amènent à relativiser, puis qui font qu'effectivement, Même si quelqu'un atteint l'âge de la retraite officielle à 65 ans, supposons, ou 67, ben, elle peut continuer à travailler. Donc, faut pas non plus là, penser que le ciel va nous tomber sur la tête. Là. Je vais t'amener quelques minutes sur le terrain municipal, parce que s'il y a un exemple que je peux donner, moi, qui concerne, tu sais, quand on dit « OK, mais je comprends, mais concrètement, en quoi ça peut nous toucher, même au municipal? » Prenez, par exemple, le schéma d'aménagement qu'on est en train de réviser actuellement là, dans la ville de Québec. Quand on regarde les données démographiques, les prévisions, on s'est fié aux statistiques de 2014 de l'ISQ, de l'Institut de la statistique. Et ce que ça dit, là, c'est qu'en 2036, il y aurait 28 000 ménages de plus. Ça, c'est la projection, 28 000 pour à peu près 57 000 résidents. Partant de cela, on dit, bon, ben OK, on regarde le parc immobilier, ce qu'on a comme capacité sur le plan de l'habitation de la ville de Québec. Et la conclusion dans le schéma d'aménagement, ce qu'on dit, c'est qu'il va manquer de place. Ce faisant, selon les projections qu'on a, on dit qu'on devrait construire quelque chose comme à peu près 10 000 maisons ou duplex et à peu près 18 000 appartements condos. Donc, c'est là où on en est. Pourtant, on sait que le taux d'inoccupation au Québec n'est pas très élevé, à part pour les condos. Ça, il y a encore de l'espace en masse. Donc, on dit qu'on manque de terrain, donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve ailleurs. Si on veut aller ailleurs, sortir de Québec, si vous allez au nord, il y a le bassin versant, vous ne pouvez pas aller de ce côté-là. Si vous allez à l'est, ben, c'est d'autres villes, il faudrait les avaler, ça, c'est encore pas fait. Sinon, à l'ouest, là, on est dans le territoire agricole. C'est du côté du territoire agricole où on sait ce que ça nous intéresse, c'est-à-dire qu'on songe à dézoner les terres agricoles pour pouvoir y faire de la construction. Là-dessus, ce n'est pas encore fait, c'est la projection. Puis ce qui est amusant, c'est que dans le schéma d'aménagement, on anticipe avoir besoin de 660 hectares à aller piger dans les terres agricoles pour être capable de répondre à cette demande-là. Donc, on n'est pas capable assez de densifier au centre-ville ou dans les secteurs déjà urbanisés. Et donc, on irait gruger du côté des terres agricoles. Vous dites, ouais, puis ben, là-dessus, il faut dire que la commission qui existe de protection du territoire et des activités agricoles veille au grain, pour utiliser un terme approprié. Et ça se fait pas comme ça. Habituellement, d'ailleurs, le zonage agricole a préséance sur les règlements municipaux. Donc, même s'ils veulent fort, fort, fort que ça change, il faut que la commission dise oui. Et pour qu'ils puissent dire oui, il faut qu'ils soient convaincus par les arguments de la Ville de Québec qu'il y a vraiment, mais vraiment pas d'autre option. Puis vraiment, ça va nuire à notre développement totalement si vous nous dites non. On n'est pas rendu là encore. Mais c'est pour vous dire comment, tu sais, je peux pas être plus concret que ça, là. On prévoit 28 000 ménages, on manque d'espace, qu'est-ce qu'on fait? On va aller gruger du côté agricole. Ben voilà, ça fait partie des options. Je pense que c'est un point de vue de développeur, celui que tu viens de mentionner là. Mettons, oui, ça m'étonne que ça roule à Québec, ce point de vue-là. Mais ton plaidoyer, par contre, est très convaincant pour la densification urbaine. Oui, densification, mais évidemment, ça pose des questions sur l'agriculture, sur de proximité, sur la souveraineté alimentaire. On pourra en parler peut-être un jour, mais c'est des questionnements qui sont profonds. Fait que vous voyez, juste par l'aspect de la démographie, on se trouve à déborder sur un paquet de secteurs et de facteurs. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Jean-Claude, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter avant? Peut-être deux petits éléments pour encore là dédramatiser, parce que moi-même, préparer les émissions, ça m'aide à découvrir des choses ou à reviser certaines idées préconçues que j'avais. J'ai toujours pensé, puis j'ai même écrit dans mon livre, qu'un des effets du vieillissement, c'est de baisser l'entrepreneuriat. Il y aurait moins de gens qui s'en seraient en affaires. Mais j'ai lu cette semaine, devinez où, dans The Economist, un numéro de juillet 2007, qu'on s'est rendu compte que les gens de 55 à 64 ans aux États-Unis, pour Royaume-Uni, c'était des gens très entreprenants. C'est-à-dire, les gens, à un moment donné, ils prennent une retraite peut-être d'un emploi régulier qu'ils avaient, puis ils se partent une business, ils font un rêve qu'il y avait eu depuis longtemps, donc sont peut-être plus entrepreneurs même que des jeunes de 20-25 ans. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, même au point de vue entrepreneurship. Dernier élément, le fameux ratio de dépendance géographique dont on nous bassine les oreilles au Québec depuis très longtemps pour nous faire peur en disant, ouais, mais il y a pas mal, la population active va avoir sur ses épaules bien des petits vieux à prendre en charge, puis c'est le ratio de dépendance entre la population des forces actives de 20 à 64 ans, puis les autres qui dépendent d'eux, les 0 à 20 ans, puis les 65 ans et plus, bien là, en 1901, ce ratio-là était de 1,2. Il y avait 1,2 personnes qui dépendaient, enfants ou vieux, là, qui dépendaient des actifs. Ce ratio-là a baissé en 2006 à 0,6, c'est-à-dire qu'on a baissé quasiment de moitié en l'espace de 100 ans. Maintenant, on remonte un petit peu, mais on pense qu'on va remonter ce ratio-là à 0,8, c'est-à-dire qu'on est encore bien loin de ce qu'on a déjà fait en 1901 comme dépendance. Évidemment, la seule différence, c'est qu'en 1901, c'était des enfants qui dépendaient des forces de vie, alors que maintenant, c'est des personnes plus âgées. Mais comme je viens de mentionner, les personnes âgées, c'est pas mal plus autonome que des enfants, puis ça peut être une contribution importante à l'économie encore. Tout à fait. Alors, je vais reprendre ce que tu écrivais toi-même dans ton livre, rappelons le mot de Calderon finalement, hein? Le pire n'est jamais certain. C'est non, pas mal ça. C'est ça. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit à CKRL 89.1 avec David Lemelin au micro et la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On parle de démographie, mais juste avant, un petit mot sur le Radioton. Hein, c'est le temps les dons pré-Radioton, donc votre soutien, vous le savez, demeure essentiel pour continuer la mission de la station. Dons pré-Radioton, donc, c'est 20 $ et plus, ou encore la carte de membre qui est à 25 $. Vous posez votre geste de soutien avant le 6 avril 17h et vous courez la chance de gagner un prix spécial. Pré-Radioton, donc, et membership. Les tirages auront lieu le 6 avril à 17h. Tous les membres actifs à cette date seront éligibles au prix membership. Alors, comment faire? Vous passez sur semaine au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30. Passez, venez tout de suite, ça ne marchera pas vraiment. Service sécurisé PayPal aussi sur ckrl.qc.ca. L'onglet « Faire un don » et onglet « Devenir membre » dans la colonne droite. Vous trouvez ça facilement. Donc, soyez à l'écoute, bien sûr, les 6, 7 et 8 avril. Nous, on ne sera pas en onde, mais on va écouter. Et soyez, bien sûr, généreux. Merci et bon Radioton 2018. Alors, Jean-Claude, maintenant, revenons à nos moutons. Démographie, on a présenté le portrait, si bien que ça amène à dire, doit-on faire quelque chose, finalement, avec tout cela? Oui, bien, ça veut dire, oui, moi, je suis plus au niveau du doit-on, parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, j'aime ça. Là-dessus, je suis pas tellement dans la pensée dominante, présentement, le fait qu'on ait la démographie est un gros problème. Mais effectivement, il y a quelques ajustements qu'il faudrait apporter. Mais je commençais par dire que, peut-on faire de quoi? Faut se dire, quand même, que la démographie, il y a deux aspects. C'est un aspect extrêmement structurant, puis je pense qu'on ne faut pas oublier cet aspect-là, mais par le fait que c'est structurant, c'est que ça prend du temps à changer. C'est un paquebot, la démographie. Ouais. Alors, peut-on changer de quoi? On peut peut-être essayer de changer de quoi, mais les générations, présentement, c'est pas 20 ans, c'est 25-30 ans. C'est très long. Les jeunes vont à l'université jusqu'à 25-30 ans maintenant. Donc, avant de préparer des gens à prendre le relais dans des professions, par exemple, supposons que c'est ça qu'on a en tête, bien, ça peut prendre 25-30 ans. Donc, on peut même fait des changements aujourd'hui, mais l'effet réel va se produire seulement dans quelques décennies. Mais si on veut vraiment faire de quoi? Parce que, comme tu dis, de toute façon, ça fait de la démographie un des éléments en économie le plus facile à prévoir, en tout cas. C'est facile à prévoir, mais c'est difficile à changer, par contre. C'est cela. Parce que les gouvernements ont essayé, même au Québec, on a essayé ça assez souvent, là, par diverses mesures, d'inciter les naissances, mettant des primes. Même M. Legault, je pense, veut revenir un petit peu avec ça, puis il était un peu critiqué là-dessus, mais ça a une efficacité tout à fait relative. Puis encore le même, si tu réussis à convaincre les gens d'avoir plus d'enfants, l'effet réel va se produire seulement dans plusieurs années. Puis, dans le fond, tu te tires un petit peu dans le pied à court terme, parce que c'est une notion que je vais en profiter pour évoquer, une notion que moi j'aime beaucoup, c'est la dividende démographique. C'est une notion inventée peut-être par des démographes ou les économistes, je sais pas trop, ou les deux, mais l'idée que c'est un peu comme des placements, dans le fond, c'est-à-dire avoir des enfants, c'est comme de l'épargne, mais avant que ça rapporte vraiment, ça prend du temps, puis ça produit effet uniquement 20-25 ans après. Là, tu profites de ton dividende. Le Québec a profité du dividende démographique, parce qu'autant, on faisait beaucoup d'enfants à une certaine époque, on s'y met à en faire moins à partir des années 60, puis c'est l'envers du bébé boom, finalement. Puis ça change, dans le fond, le ratio, c'est ce que disait d'entrée de jeu au début de l'émission, entre les forces vives, là, la deuxième catégorie, la première étant les enfants, les forces vives après, la population active, et troisièmement, les retraités. Bien, le ratio, à un moment donné, tu te ramasses avec beaucoup de gens dans la population active, moins de dépendants. C'est ce que je disais tantôt, on a atteint le ratio de dépendance, on a atteint un creux, là, il y a une dizaine d'années à peu près. Alors, pendant ce temps-là, tu profites de ton dividende, c'est-à-dire tu profites des gains d'avoir fait des enfants 20 ou 30 ans avant. Ouais. Mais là, le dividende, on l'a encaissé, puis là, on tombe dans une pente un peu moins intéressante, c'est-à-dire que la population active, on l'a mentionné tantôt, là, est plus ou moins stationnaire au cours des prochaines années. Fait qu'on pourrait réinvestir, on pourrait dire qu'on fait davantage d'enfants, comme les Chinois semblent le faire présentement, mais avant que ça rapporte des dividendes, ça va prendre du temps, puis entre-temps, bien, ça va nous coûter plus cher en frais de garderie, puis en gardiennage. choses comme ça. Mais pourtant, on pourrait écouter, regarder les nouvelles ou lire les journaux, on aurait encore l'obsession aujourd'hui même sur le taux d'activité, sur le nombre de travailleurs. Ça reste encore l'obsession, là? Ça reste l'obsession, mais moi, c'est comme on disait tantôt, je pense que c'est pas sûr que c'est un grave. C'est ce problème que ça, parce que, encore là, j'étais. À une certaine époque, il n'y a pas si longtemps, j'étais assez sensible aux discours qu'on entend par le Conseil du patronat, par la Fédération des chambres de commerce, par les ministres de l'Industrie, puis tout ça, les ministres des Finances, le fait qu'on se dirigeait vers des pénuries de main-d'œuvre. Mais toutes les études, à peu près, qui sont penchées là-dessus, il y en a eu chez Desjardins, il y en a eu récemment, je pense, au fédéral, je ne me souviens plus quel organisme, le vérificateur général, je pense, le directeur parlementaire du budget, je pense. Mais ils ont tous dit, bien, on ne les voit pas, les pénuries, là, sauf dans certains créneaux, là, comme par exemple le travail maraîcher, cueillir les fruits et légumes là, en saison, mais là, on fait venir des travailleurs mexicains pour répondre aux problèmes dans ce cas-là. Il y a des pénuries sectorielles, peut-être en aérospatial. On avait un article, là, je t'ai envoyé un article cette semaine, David, sur le fait qu'on s'attendait à avoir besoin de recruter 30 000 personnes, je pense, dans l'aérospatial d'ici 2030. On a quand même temps de voir venir, là, ça ne se produit pas instantanément. Mais hormis certains créneaux, là, je pense... En fait, les secteurs pour lesquels probablement qu'il y aura le plus d'impact pour le ralentissement démographique, c'est probablement le commerce de détail. Et la construction. Et la construction, parce que là, on ne construira pas des nouvelles écoles, là, puis les infrastructures sont là. Mais encore là, il faut se dire, on a la chance, nous, d'avoir construit les infrastructures pour une population de 8 millions de personnes. Puis on n'a pas besoin de la construire à nouveau. C'est pour ça qu'il faut arrêter de comparer avec les pays émergents. Les autres, il faut qu'ils partent. Peut-être pas à zéro, là, mais ils partent beaucoup plus loin que nous autres. Puis ils ont construit des choses. Donc, c'est normal qu'ils aient besoin de main-d'œuvre pour construire ces infrastructures-là. Ce qui va nous ramener finalement à la productivité, ce qui va se passer, c'est qu'on va falloir investir dans la machine, dans la technologie, innover, dans la main-d'œuvre aussi, la formation pour être capable d'être plus productif. Peut-être pas obligé de venir à 60 heures par semaine comme certains en rêvent, là, mais. c'est ça. On a déjà fait beaucoup de ça en termes de participation de la main-d'œuvre. On a beaucoup augmenté nos taux de participation ces dernières. Moi, c'est peut-être un dernier élément que je mentionnerais. Si on veut garder en termes de. C'est pas nécessairement une solution, mais il va falloir changer. Les gouvernements, le ministère des Finances va devoir changer sa façon de collecter l'impôt parce que le fait que davantage de population, la population est à la retraite, ça veut dire finalement qu'il va y avoir probablement moins d'impôts sur le revenu. Voilà. Les gens ne travaillent plus. Ah ouais. Et moins de taxes de vente parce qu'ils vont dépenser moins. Donc, il va falloir peut-être se retourner vers le capital, la richesse, en fait. Taxer les droits de succession, des choses comme ça, taxer le capital. En fait, c'est l'idée que Piketty a bien popularisée il y a une couple d'années, puis dont on a parlé à quelques reprises ici. Il y a des gros bonnets qui sont plutôt résistants et plutôt bien placés pour résister. Il y a une très, très forte résistance à ça, mais moi, je pense, je prédis ici, bien humblement, pas si humblement que ça, en fait, mais je prédis que d'ici quelques années, les gouvernements n'auront pas le choix que de se tourner vers la taxation du capital, sinon ça ne marchera pas. Là. Bon, à un moment donné, c'est ça, tu regardes les chiffres, quand tu n'arrives pas au bout de la colonne, on peut bien avoir du fun, mais il faut peut-être chercher l'argent où elle se trouve, la richesse où elle se trouve. Je t'amène sur un dernier volet pour terminer, parce que ce qu'on comprend de tout ce qu'on dit depuis tantôt, c'est que la démographie qui est dans une croissance relative, en tout cas en Occident, peut avoir des aspects positifs, on le comprend bien, mais il reste que si je te ramène moi-même sur le discours de la semaine dernière avec Harvey Mead, où on parlait de surpopulation, de surconsommation, il y a peut-être là aussi un intérêt, à savoir, parce qu'on est toujours dans l'optique de continuer de s'adapter, de s'ajuster, puis de continuer à croître, finalement. C'est de l'autre façon de regarder la chose aussi. Oui, tu as tout à fait raison, puis c'est une bonne chose qu'on ne l'oublie pas, tu as tout à fait raison. Je pense que le ralentissement démographique, le ralentissement démographique est souvent présenté comme un problème, mais Harvey Mead a très bien dit, puis il a tout à fait raison, c'est pas un problème, c'est une solution. Ouais. Puis il faudrait que les populations, puis les politiciens, puis même les milieux d'affaires acceptent ça qu'on ne peut pas croître indéfiniment, toujours parce qu'on est obsédé, dans le fond, par la production. Puis c'est sûr que plus que tu as de monde, plus que tu as de production, parce qu'il faut que tu fasses manger, faut que tu nourrisses, faut que tu abrites plus de monde, mais il faudrait se tourner vers la productivité. Peut-être avoir moins de monde, mais s'organiser pour travailler plus efficacement avec les ressources qu'on a. Est-ce que tu as fait le tour, Jean-Claude? Oui, pas mal. Oui. J'aurais bien voulu revenir sur le fameux le conflit des générations, mais ce serait En tout cas, je vais peut-être le mentionner parce que c'est plus fort que moi, parce que moi, comme baby boomer, je me suis souvent fait accuser par des gens de ta génération. Mais tu sais que tous les problèmes qu'on a, c'est de ta faute. Hein? Je le sais. Je le sais, mais notamment, il y a certains chroniqueurs, en tout cas, qui aiment ça, mettre tout le fardeau, tout l'odieux sur le dos des boomers. Mais j'ai vu encore là, des données dans des économistes qui sont intéressantes. On regarde les gens quand est-ce qu'ils sont nés. Ceux qui sont nés dans les années 50, par opposition à ceux qui sont nés des années 70, des années 80, des années 90, ils se sont rendus compte que finalement, quand ils atteignent ces gens-là, peu importe l'année où ils sont nés, quand ils atteignent l'âge entre 20 et 34 ans, les gens nés après les baby-boomers, dont ta génération, dont les milléniaux, il y avait en termes de pouvoir d'achat un revenu plus élevé que les boomers à l'époque, il y avait 25-30 ans. Donc, finalement, ça, c'est une question. La question démographique pose la question de comment les différentes générations s'en tirent. Bien, finalement, contrairement à ce qu'on entend souvent sur la place publique, les jeunes générations, en fait, celles qui ont suivi les baby boomers, s'en sont toujours tirées mieux que les boomers en termes de revenus personnels disponibles, donc en termes de pouvoir d'achat, même si elles ont l'impression. Parce que les générations qui nous ont suivis comparent toujours leur niveau de vie avec celle des boomers. Oui, mais les boomers, ils ont 65 ans. C'est un peu normal qu'il y ait plus d'épargne que quand tu as 20 ou 35 ans. C'est... Mais à 25-35 ans, les boomers étaient moins riches, moins d'argent dans leur poche que les gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans. De toute façon, moi, les boomers, et je leur donne l'articulation de la Révolution tranquille qui a modelé le Québec. Je trouve qu'on en doit pas mal plus que des récriminations. À mon avis. Merci, David. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Je le pense en plus. Alors, sur ces douces notes, parlons maintenant d'actualité. On va commencer par ce classement. D'ailleurs, on le sait, ça s'est suivi chaque année quand on entend parler. Classement des personnalités les plus riches de la planète selon la mise à jour publiée par Forbes. Je peux peut-être donner, si tu me permets, quelques noms. Après ça, on pourra discuter sur les éléments liés à la richesse et aux revenus. Donc, top 10 mondial, vous l'avez peut-être vu. On en a parlé tantôt. Jeff Bezos, 112 milliards. D'affaire de rien. Bill Gates a donc perdu son trône avec un maigre 90 milliards, suivi par Warren Buffett qui doit essayer de s'organiser avec 84 milliards. Ensuite, Bernard Arnault et sa famille. Zuckerberg, monsieur Facebook, est à 71 milliards en cinquième position. Donc, vous voyez, c'est assez solide. Et en 8 et 9, j'attire votre attention sur Charles et David Koch, les Koch Brothers des États-Unis, qui sont des gens dans l'ombre et qui emmènent très large. Et quant aux Québécois, top 10 Québécois, ben c'est Lino Saputo et sa famille à 5,3 milliards. Donc, on est vraiment quand même pas mal en arrière. Le chaleureux Alain Bouchard en deuxième place à 3,3 milliards. Ensuite, vous avez Robert Miller, Charles Bromfman, Jean Coutu, hein, en cinquième. Et puis, je pourrais descendre comme ça jusqu'à Pierre-Carl Péladeau en neuvième, pau petit, et Guy Laliberté à 1,2 milliard. Ça, c'est le classement, ce qui amène des conversations intéressantes parce que, Jean-Claude, il y en a qui sont du bord, ben coudonc, ils sont très riches puis ils font de l'argent vite. Ben oui, tout à fait. Ouais, ben, sauf que ça, moi, ça, en tout cas, je pense qu'on a parlé un petit peu, de toi et moi, David, cette semaine, c'est que, ça, dans le fond, ça nous permet de revenir encore avec une distinction qu'on a apportée à quelques reprises ici entre la richesse et les revenus. Ce dont on parle ici, c'est de la richesse. Puis je me souviens pas du chiffre exact, mais monsieur Amazon, monsieur Bezos, le président d'Amazon, dans le fond, lui, il a eu un gain de capital, la valeur de ses actions, finalement, parce qu'Amazon va très bien, a progressé, je pense, de 40 ou 50 38 milliards. 38 milliards, je pense. 40 milliards dans l'année. C'est ce qui a permis de faire ce bond de géant-là. Oui. Mais Dans le fond, il ne faut pas confondre ça avec les revenus. Il y avait un chroniqueur du Devoir cette semaine qui, justement, faisait le lien. Il disait, ouais, mais c'est terrible, le salaire moyen au Canada, c'est 45 000 $. Ça veut dire que 45 000 $, M. Bezos gagne ça en 12 secondes. Mais c'est mélanger des pommes et des carottes. Là. C'est sûr qu'il y a une vérité fondamentale, c'est-à-dire que Bezos est énormément plus riche que le Canadien moyen. Mais Bezos, lui, c'est un accroissement de sa fortune d'un coup sec, pendant une année, alors que le salaire moyen, bien, c'est des revenus, c'est ce que tu gagnes en travaillant. Donc, tu ne peux pas vraiment faire un équivalent entre les deux. Mais on n'est pas en train de dire qu'il fait pitié et qu'il faut faire attention. Non, au contraire, c'est juste replacer les choses. C'est intéressant parce que moi, je l'ai vu circuler beaucoup sur les réseaux sociaux. On faisait circuler l'article de Jean-François Nadeau du Devoir, qui son questionnement fondamental et philosophique était extraordinairement bon, comme ce qu'il fait à peu près toujours. Mais c'est ça, il faisait ce calcul. Il dit, voyez un peu, au cours des 12 derniers mois, Bezos, 54 ans, pouvait compter sur 120 milliards de dollars, soit l'équivalent de 328 millions par jour, 13,6 millions par heure, 228 000 par minute, ou si l'on veut, 3 800 par seconde. Et ça lui a pris donc 12 secondes à faire l'argent du travailleur moyen. Mais on ne parle pas des mêmes choses, effectivement. Ouais. Non, c'est ça. Mais je vais encore peut-être prolonger la confusion en mélangeant encore là des choses, des flux puis des stocks, parce qu'en termes d'un jargon d'économiste, c'est un stock, c'est la richesse. Mais M. Bezos, son 112 milliards, là, s'il décidait de vendre ses actions puis de donner le résultat de ça à Carlos Lantaos, le ministère des Finances, bien là, on pourrait pendant une année avoir aucun impôt, aucune taxe au Québec, puis vivre sur le bras de M. Bezos. Mais on aura gaspillé notre fortune pendant cette année-là, puis il faudra recommencer après. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera probablement pas. Non, effectivement. Donc, distinction intéressante, mais tout ça pour dire qu'il est très riche, effectivement, à 112 milliards. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça ne fait qu'accentuer cette idée sur les inégalités, sur la redistribution de la richesse, ce dont on parle souvent, l'économie productive versus l'économie qui est non productive. Ça reste un fait, là, on le voit. Là. Mais je veux pas parler de la misère des riches. Là. Je pense que je te convaincrai pas tellement. Ça ne marchera pas tellement, non. Ça se peut que je ferme ton micro. Mais j'aime beaucoup rappeler, moi, qu'en 2008, là, c'est sûr qu'on rappelle souvent que la Caisse de dépôt a perdu 40 milliards au Québec ici, mais Bill Gates puis Warren Buffett, Bezos n'était pas là à cette époque-là, ils ont perdu, avec la crise de 2008, eux autres, des 10 ou 12 ou 15 milliards dans l'année. Fait qu'il y a des années que ça monte, mais il y a des années que ça baisse aussi quand tu as de telles fortunes. Bien sûr. Maintenant, si on a fait le tour de celle-là, oui, je passe à la nouvelle suivante. Oui. Donc, très intéressante aussi. On en parle à l'occasion. Fonds des générations, il y a eu... on en a parlé beaucoup dans l'actualité au cours de la dernière semaine parce que j'ai un texte, entre autres, ici de la presse. Couillard somme l'opposition de ne pas piger dans le Fonds des générations. C'était ça le nœud du problème. Le gouvernement Couillard a mis l'opposition en garde contre la catastrophe et le détournement de fonds que constituerait l'utilisation du Fonds des générations pour autre chose que le remboursement de la dette. Le premier ministre a confirmé que son gouvernement puisera 10 milliards dans le fonds d'ici 5 ans pour accélérer le remboursement de la dette, tel que le rapportait la presse. La cagnotte mise sur pied en 2006 s'élève actuellement à 13,7 milliards et elle recevra cette année une injection supplémentaire de 2,7 milliards. Québec prévoit y piger donc 2 milliards par année sans toutefois cesser ses versements. Bon, la table est mise, mais il y a des choses à dire là-dessus, Jean-Claude. Bien, c'est-à-dire, moi, premièrement, j'étais très surpris d'entendre ça cette semaine. J'étais agréablement surpris parce qu'on je pense que tu l'as rappelé tantôt, à quelques reprises, ici, au cours de l'émission, on a posé des questions sur le bien fondé du Fonds des générations, enfin, le risque que ça représente, parce qu'on a 13 milliards, puis on se disait toujours, ouais, mais là, si on a une crise financière comme en 2008, on a perdu 40 milliards à la Caisse de dépôt en 2008, notre 13 milliards pourrait fondre... pourrait baisser, disons, à 8 ou 9 milliards. Oui. Ce serait une perte sèche. On aurait peut-être intérêt à utiliser ce fonds de génération ou plutôt pour rembourser la dette, si c'est vraiment ça qui est notre objectif. Donc, l'idée en soi n'était pas mauvaise, mais moi, ce qui m'a... Par contre, en écoutant vraiment ce que c'était, ce qu'on annonçait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que je trouve que c'est un pas dans la bonne direction, mais un pas très timide, parce que premièrement, on parle de 10 milliards, c'est ce qu'a fait la manchette, mais c'est 2 milliards par année. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr que la Wall Street va attendre 5 ans pour avoir une crise du type. En tout cas, si jamais il y en a une, ce n'est pas ce qu'on souhaite, là, mais tout le monde prévoit quand même un recul boursier là, d'ici peut-être maximum 2-3 ans. Fait que, il me semble, si on avait été vraiment cohérent avec le discours, on aurait dit, parce que c'était dans le discours aussi de M. Couillard et de M. Lightard, de dire... On veut se prémunir contre une baisse de la bourse, bien, on aurait dû dire le 10 milliards, on le rembourse tout de suite. C'est-à-dire, on attend, parce que étaler ça sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on va peut-être sauver 4 milliards, mais il va être trop tard pour les 6 autres milliards qu'on voulait rembourser. L'autre élément que je trouve extrêmement bizarre, c'est que C'est un, on dit qu'on va, ressortir 2 milliards, mais en même temps, on va continuer d'en mettre 2 milliards par année, même 2 milliards et demi par le biais des redevances d'Hydro-Québec puis d'autres sources là, qu'on va verser là-dedans. Ça, encore là, je trouve ça un petit peu incohérent. Puis ça tend à accréditer ce que moi, je me suis toujours douté. Je pense que tout ça, c'est une espèce de... Le fonds des générations, puis encore là, je fais un petit aparté pour dire que le fonds des générations, ça fait référence à la démographie. On a parlé tantôt. Ouais. Notre émission est très cohérente, encore une fois. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, on s'est dit qu'on met encore de l'argent là-dedans, mais je pense que la véritable raison, c'est pour se donner l'impression qu'on est pauvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de mettre davantage d'argent dans la santé ou dans... Ouais. Peut-être pas dans le salaire des médecins, là, mais dans d'autres secteurs non. de la santé. Dans la santé, on peut parler de la puis, richesse. Au point de vue démocratique, là, je m'éloigne un petit peu de ma vision d'économique, mais moi, ça m'agace au plus haut point au niveau de la transparence budgétaire, parce que à chaque fois que les journalistes commentent le budget du Québec ou les finances du Québec, ils sont obligés de dire « on a des surplus de X ». Avant le versement au Fonds des générations ou des surplus de X après le versement, là, tu ne sais jamais de quoi qu'il parle au juste, puis tu ne sais jamais si le gouvernement, si le budget est en équilibre ou pas. Moi, je trouve qu'en termes de démocratie, en termes de transparence, c'est pas très bon. J'aurais préféré que si on, vraiment on veut rembourser nos dettes, bien, remboursons-les immédiatement, puis là, ce sera très clair, finalement. Le budget du gouvernement du Québec sera facile à comprendre pour tout le monde. Ce qui nous ramène à ce qu'on disait de toute façon à quelques reprises, à savoir que le Fonds des générations est davantage un outil politique qu'autre chose. Ben, dans ce cas-là, c'est clair qu'il voulait donner le pion à M. Legault, puis vraiment bloquer la porte là, pour le Fonds des générations. Juste avant la question de la semaine, un petit clin d'œil, quelques secondes, pour dire, vous avez vu un Desjardins qui a eu de la misère avec les guichets qui disparaissent. Finalement, gouvernement, municipalité vont se mettre ensemble pour essayer d'éviter que ça soit aussi pire que ce qu'on a lancé. J'ai trouvé quand même spécial que dans la semaine où ils se font bombarder, où on parle de fermeture de guichets, que ce soit la semaine où ils refont leur logo, en enlevant l'abeille. J'ai dit, coudon, c'est la semaine où, tu vois, ils jouent avec ça, ils créent le vide. Hein? Là on présente le vide dans un logo parce qu'on fait le vide dans les régions. Pour moi, il y a un bon directeur des communications, sans doute. Je ne sais pas, je ne suis pas si sûr. Pas si sûr non plus. Pierre, oui, puis d'ailleurs, petit clin d'œil, médecins spécialistes cette semaine ont aussi essayé de nous faire croire que finalement, c'était pas si pire, que écoutez, aux autres aussi, ils se sacrifient. C'est dur, la vie, c'est dur. Jean-Claude, question de la semaine, donc. Oui, c'était dans quel pays la distribution de la richesse est-elle la plus inégalitaire? Bien, évidemment, c'est aux États-Unis. Les Américains en premier, OK. Oui, c'est intéressant parce que ça permet, là, cette valeur qu'on ne soit pas à la télévision, mais de montrer dans le graphique là, que... Puis ça donne raison à Piketty. Les inégalités de richesse, M. Bezos et compagnie, Buffett et Gates et compagnie, les inégalités sont beaucoup plus fortes qu'en termes de revenus, donc qu'en termes de salaire. Et c'est vraiment là que ça, le bol blesse le plus. Les États-Unis, c'est vraiment une classe à part, là. La plupart des pays, là, c'est autour de la partie de la richesse qui est accaparée par le 10 % le plus riche. Ça tourne autour de 50 % à peu près. Le Canada est à peu près dans ces eaux-là. Alors qu'aux États-Unis, c'est 80 % Donc, la richesse, le 10 % le plus riche accapare 80 % de la richesse. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est vraiment une classe à part. Là. Ouais. Puis là, Trump, lui, pense qu'il faut encore encourager davantage les riches. Ce qu'il a fait avec sa réforme fiscale, oui. Oui. Puis donc, le Canada est à peu près dans la moyenne. Curieusement, c'est des pays, là où les pays où la richesse est la moins inégalitaire, c'est ceux qui sont les moins riches, notamment la Grèce, la République slovaque, l'Espagne. Eux autres, c'est moins accentué, mais encore là, malgré tout, le 10 % les plus riches, là, c'est autour de 40 % de la richesse collective qu'ils ont. Donc, peut-être qu'on pourrait peut-être faire un dernier clin d'œil à notre thème démographique. Les États-Unis, par contre, ils apparaissent nullement dans les pays où l'espérance de vie, les 15 pays là, où l'espérance de vie est le plus élevée. Le Canada est dans ces 15 premiers-là, autour du 12e ou 13e rang. Les États-Unis, on ne sait même pas quel rang ils sont. Donc, malgré leur grande richesse de certains individus, certains Américains, ce pays-là ne performe pas beaucoup en termes d'espérance de vie. C'est quand même quelque chose, ça, parce que je t'avoue que j'aurais cru le contraire. Hein. Puis d'ailleurs, on peut faire l'association. Je suis certain que d'instant, on pense que, s'il y a de la richesse, c'est sûr, l'espérance de vie. On peut parler d'inégalité, mais est-ce que ça a un effet? Bien, on le voit, là. Bien, c'est-à-dire qu'on voit les effets, ouais, on l'a mentionné, puis on n'est pas les seuls. Les inégalités et de revenus et de richesse, plus c'est accentué, plus ça a des conséquences sur certaines catégories de la population. Donc, c'est manifeste. Aux États-Unis, il y a des gens qui sont très riches, mais il y en a qui... Beaucoup qui vivent dans des situations qui sont difficiles. Donc, problèmes de santé, problèmes d'espérance de vie. Ça crée des tensions sociales, des problèmes de violence aussi, automatiquement. Tout est lié. Merci beaucoup, Jean-Claude. T'en prie. Alors voilà, c'est ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, croissance et stagnation. Croissance et ou stagnation. Oui. On va être encore quand même dans une... On a de la suite dans les idées, comme il disait dans le film Les Trois Amigos. Donc, vive la croissance. On va en parler encore la semaine prochaine. Manquez pas ça. Bonne semaine. Donc, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter aussi en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain. Hey, prenez une pinte pour les Irlandais, là, en mon honneur. Tiens. Allez, bonne journée.